Spleen des nuits de juillet. Les jardins de rosiers, mouillés de clair de lune, font des rumeurs de soie, aux langueurs des jets d'eau, ruisselant frais, sur les rondeurs vertes des dos contournés de tritons, aspergeant un Neptune. Auberges, sous des noirs touffus, où des citrons voudraient être meurtris des lunaires caresses, des vierges dorment, se baignent, défont leurs tresses, où, par les prés, les corps au vent dansent en rond. D'autres, l'écume aux dents, vont déchirant leurs voiles, pleurant, griffant leurs corps fiévreux, pleins de frissons, saccageant les rosiers et mordant les gazons, puis rient, ainsi que des folles, vers les étoiles. Et d'autres, sur le dos, des fleurs pour oreiller, râlent de petits cris d'épuisantes délices. Sur leurs seins durs et chauds, leurs ventres et leurs cuisses effeuillent en rêvant les pétales mouillés. Des blancheurs se cherchant s'agrafent puis s'implorent, roulant sous les buissons ensanglantés de houx, d'où montent des sanglots aigus, mourants et doux, et des halètements irrassasiés encore. Ah, spleen des nuits d'été, universel soupir, miséréré des vents, couchant mortel d'automne. Depuis l'éternité, ma plainte monotone chante le bien-aimé qui ne veut pas venir. Ô bien-aimé, il n'est plus temps, mon cœur se crève, et trop pour t'en vouloir. Mais j'ai tant sangloté, vois-tu, que seul m'est doux le spleen des nuits d'été, des nuits longues où tout est frais, comme un grand rêve.